Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gomet Dupré 1861. Question 57. Des vertus intellectuelles. En quel sens les qualités de l'intelligence sont des vertus? Trois vertus intellectuelles, la sagesse, la science et l'intelligence des principes. Si l'art, la prudence, sont des vertus intellectuelles, vertus annexées à la prudence. 1. Les habitudes intellectuelles spéculatives sont-elles des vertus? Les habitudes intellectuelles spéculatives ou qualités de l'intelligence ne perfectionnent pas la volonté. Si elles peuvent être appelées vertus, c'est dans le sens qu'elles donnent la faculté de bien agir ou de contempler la vérité, et non dans le sens propre du mot, car elle ne détermine pas le bon usage des talents qu'elle confère. Note. La volonté, voilà uniquement ce qui détermine le bon usage des qualités intellectuelles et, par suite, de la science. Ce qui rend méritoire les actes de ses habitudes, ce sont les vertus de charité ou de justice qui perfectionnent la volonté. Saint Grégoire parlait dans ce sens quand il disait que « la vie contemplative a plus de mérite que la vie active ». Fin de la note. 2. Y a-t-il trois habitudes intellectuelles spéculatives? Il y a trois vertus ou habitudes intellectuelles spéculatives. Premièrement, la sagesse, qui considère les causes les plus élevées que nous connaissons les dernières, bien qu'elles soient en elles-mêmes les plus intelligibles. Secondement, la science, relative aux recherches de la raison humaine et aux déductions que fait le raisonnement dans les branches diverses des connaissances humaines. Troisièmement, l'intelligence, par laquelle nous percevons immédiatement et directement les premiers principes. La sagesse, à laquelle il appartient de juger toute chose, par cela qu'elle remonte aux causes premières sans lesquelles on ne saurait porter un jugement absolument parfait, est une vertu supérieure à la science, dont elle prouve les conclusions par les principes, en jugeant les principes eux-mêmes. 3. L'art est-il une vertu? L'art, comme habitude intellectuelle, n'est pas une vertu proprement dite, mais il en est une. S'il s'agit de la vertu improprement dite qui donne la faculté d'exécuter des œuvres dont la bonté dépend de leurs qualités intrinsèques et non des dispositions morales de leur auteur. Dans un artiste, considéré comme tel, on loue le talent indépendamment de la droiture de la volonté. Il n'importe pas que le géomètre soit juste ou injuste, triste ou gai, pourvu que ces démonstrations portent le caractère de l'évidence. L'art est une vertu en tant qu'il donne la faculté de produire des œuvres bonnes, mais les vertus qui perfectionnent la volonté ayant seul le privilège de présider au bon usage que l'homme fait de ses talents, l'art est une vertu imparfaite, qui ne s'élève pas à la hauteur d'une œuvre moralement bonne. Note. On appelle art libéraux ceux qui s'adressent à l'esprit, art servile, art mécanique, ou simplement métier, ceux qui exercent le corps. Fin de la note. 4. La prudence est-elle une vertu distincte de l'art? À la différence de l'art, où l'on ne considère que la bonté des œuvres extérieures sans avoir égard aux dispositions morales des artistes, la prudence suppose la droiture de la volonté et en même temps la vertu morale qui la donne. Elle se distingue conséquemment des talents artistiques. 5. La prudence est-elle nécessaire à l'homme? L'Écriture met la prudence au nombre des vertus nécessaires à l'homme, en disant, au sujet de la sagesse, elle enseigne la tempérance, la prudence, la justice, la force, qui sont les vertus les plus utiles à l'homme dans cette vie. Sagesse 8, 7. La prudence, qui dirige l'homme vers sa fin et lui indique les moyens d'y arriver, est, en effet, une vertu indispensable à l'homme pour bien vivre. En toute chose, le choix des moyens demande le bon usage de la raison. La prudence, étant précisément ce qui perfectionne la raison dans le choix des moyens convenables pour parvenir à notre fin, est pour nous une vertu d'absolue nécessité. 6. La prudence s'adjoint-elle des vertus? La prudence, dont la principale fonction est le commandement, s'adjoint, comme vertu secondaire, le bon conseil, la science du droit et le jugement. Le bon conseil consiste dans une certaine délibération. La science du droit regarde les lois positives et communes. Le jugement prend pour base la loi naturelle et supplée aux défauts des lois positives. Note. La mémoire, l'intelligence, la prévoyance, la précaution, la docilité et les autres qualités semblables ne sont pas des vertus différentes de la prudence, elles en sont les parties intégrales. Il y a aussi dans cette vertu des parties subjectives. Nous reviendrons sur ce sujet, tome 3, page 234. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.